Bonjour à toutes et à tous et merci d'être rendez-vous de cette édition à la française et de cette journée. Tout d'abord, les titres. Une femme est connue sous le nom de Spesen Chimilimana de la colline Muramba, province de Karus, a été assassinée dans la nuit de ce vendredi à son domicile. Le chef de colline et la police indiquent que les malfaiteurs n'ont pas encore connu et que les enquêtes sont déjà en cours. Dans la province de Cibitoke, on parle du manque d'eau potable dans presque toutes les collines de la commune de Mulgui. Un bidon d'un 20 litres est acheté entre 500 et 700 francs bout. Inquiétude des palmiculteurs sur la chute du prix des noix de palme suite à une décision du gouvernement de réduire le prix du savon. Ils estiment qu'ils travaillent à perte et le représentant de l'association Apropabou va s'exprimer dans ce journal. Côté technique, François Akimana à la présentation, Jean-Marie Mayonga, bienvenue et bonne suite et bonne condition d'écoute. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons cette édition par page sécurité. Une femme du nom d'Ospesen Chimilimana a été tuée et égorgée la nuit de ce vendredi vers samedi à son domicile à la colline Muramba de la commune Ugenyuzi, province de Karusi. Le chef de colline et la police indiquent que les malfaiteurs ont défoncé la fenêtre pour entrer dans la chambre de la maison où dormait la victime. Ils signalent également avoir débuté des enquêtes pour les débusquer, mais aussi connaître le motif. La femme vivait avec sa mère très vieille, précise le chef de colline. Pour rappel, un autre homme a été tué ce mercredi dans la commune Gitaramuka de cette même province. Nous devons cette nouvelle à notre correspondant Blaise Pascal Kararoumier de Karusi. Il s'observe un manque d'eau potable dans presque toutes les collines de la commune de Mulgui suite aux pluies qui ont détruit les sources d'eau. L'administrateur de la commune de Mulgui indique que l'année prochaine, l'eau potable sera disponible puisque le conseil communal a décidé que 100 sacs seront achetés pour la réhabilitation des sources endommagées. Reportage de Alexis Ndaregje depuis la province de Cibitoke. Son manque d'eau a commencé à s'observer depuis le mois d'avril de cette année suite aux sources aménagées qui ont été détruites par les pluies torrentielles dans presque toute la commune de Mugui. Les localités qui connaissent le plus son manque d'eau sont Bobogora et Kivumvu. Les personnes contactées à Kivumvu nous ont indiqué qu'un bidon d'eau potable de 20 litres s'achète entre 500 et 700 francs pour. Une mère qui va accoucher au centre de santé Kivumvu doit se présenter avec deux bidons. L'administrateur de la commune de Mugui, Joseph Chiza, indique que le conseil communal de Mugui a déjà traité cette question concernant son manque d'eau potable dans presque toutes les collines de la commune de Mugui. Son conseil a décidé, selon toujours Chiza Joseph, que son sac de ciment vont être achetés pour la réhabilitation de ces sources d'eau, qu'avec l'année prochaine, l'eau potable sera disponible chez cette population lésée. Depuis Cibitoke, Alexis Ndayiragije, Radio Isanganiro. Continuons cette édition en page santé. Le ministre de la Santé publique a dressé le bilan des activités de dépistage du COVID-19 à mairie de Bujumbura. Tade Ndikumana annonce que jusqu'à ce mercredi, 52 cas sont revenus positifs parmi toutes les personnes testées. Il a expliqué comment se fait le suivi de ces personnes trouvées contaminées. Suivez Dr Tade Ndikumana. Nous avons commencé la campagne lancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, intitulée Ndakira Sinandura Kandi Sinanduza. Et depuis ce lundi, nous sommes à J5 et nous avons, pour ces 4 jours passés, déjà enregistré 3798 demandeurs de tests. Et après le screening et le triage, nous avons vu qu'il y avait 2680 qui présentaient les signes de COVID. Et parmi cela, nous avons déjà repéré 52 personnes qui ont été contaminées par le coronavirus. Et cela montre que le coronavirus existe, mais ne circule pas à grande échelle. Pour la prise en charge, nous avons identifié les contacts des 52 personnes. Et ces contacts font partie aussi des gens qui ont été dépistés, chez qui on a fait des prélèvements pour voir si la famille ou l'entourage n'a pas été contaminé. Alors, ces 52 personnes ont été subdivisées en 3 parties. Il y en avait qui avaient d'autres pathologies sous-jacentes, notamment l'hypertension, d'autres pathologies comme le diabète non équilibré, le VIH et l'insuffisance rénale. Ceux-là ont fait objet de suivi médical en hospitalisation. Tandis qu'une autre catégorie, ce sont des personnes asymptomatiques qui ne nécessitent pas l'hospitalisation. Et il y en a qui sont suivis à la maison parce qu'ils vivent dans des conditions décentes avec une chambre propre où ils peuvent s'isoler facilement. Et d'autres qui habitent dans des maisons, dans des quartiers avec une promiscuité. Et on a jugé bon de les isoler à part avant la négativation. Et cela se trouve au niveau de l'hôtellerie. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous suivez toujours la radio Isanganiro, journal continue en langue française. Le directeur général de l'Office burundais des mines et carrières, OBM en sigle, demande aux extracteurs de moellons et sable dans la petite rivière Mutwenzi de la colline Kibande, commune Geita, province de Gitega, de ne pas dépasser les limites et l'heure fixées par l'OBM afin de ne pas favoriser la destruction de la route bitumée Gitega-Karusi qui passe tout près des sites d'extraction. Les ouvriers extracteurs de moellons et sable tranquillisent quand ils disent qu'ils respectent les limites leur tracées par cette institution, même si certaines personnes ne les croient pas. Reportage de Jérémy Bigir. La petite rivière Mutwenzi traverse les collines Mugutu de la commune Gitega et Kibande de la commune Giheta partout, c'est en province Gitega. De cette rivière est tiré du sable préféré par le maçon. Au niveau de la colline Kibande, les ouvriers tirent de ce cours d'eau et du sol environnant du moelleau de rivière aussi préféré et brisent ce moelleau pour en tirer du gravier. Une route bitumée Gitega-Karusi passe tout près des sites d'extraction de ces moelleaux et sables et donc ceux qui la fréquentent doutent qu'un jour ces travaux d'extraction du moelleau et sable occasionneraient sa destruction. Toutefois, les ouvriers les tranquillisent quand ils disent qu'ils ne vont pas dépasser les limites leur fixées par l'Office burundais des mines et carrières OBM. Ils précisent qu'ils sont au courant du coût élevé d'une route goudronnée et que donc, dans un délai d'un mois, ils seront transférés à un autre site que celui qu'ils sont en train d'exploiter maintenant. De son côté, le directeur général de l'OBM, Jean-Claude Ndouayo, invite ses ouvriers à respecter les limites leur tracé par cette institution et demande même l'implication de l'administration dans la surveillance des activités de ces ouvriers. La construction d'une route, ça coûte très très cher et c'est un bien public. C'est pour la nation, c'est pour la population, c'est pour eux-mêmes. D'où on n'a pas besoin de voir un agent de l'OBM venir les empêcher de continuer les tractions vers les routes, mais plutôt il faut qu'ils considèrent eux-mêmes l'action qu'ils veulent mener. D'où moi je les invite à avoir une conscience humaine et ne pas se comporter comme des animaux. Ce que je dirais aussi, c'est d'interpeller l'administration locale, parce que il n'y a pas de colline sans chef de colline, ou bien sans conseil collinaire, il n'y a pas de commune sans conseil communal, partout il y a ce qu'on appelle des nyumbaku. Il faut qu'ils nous aident, parce que nos cadres ne peuvent pas parcourir toutes les collines du pays dans un même moment, mais l'administration est toujours là. La route bitumée Gitega-Karusi a été construite dans les années 2010. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci à toi Gérald pour toujours en page et continuer cette édition page agriculture où les palmiculteurs réunis au sein de l'association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi à Propabou en sigle sont inquiets de la chute des prix des noix de palme et de l'huile qui sont utilisées dans la fabrication des savons. Le prix par kilo des noix est passé de 700 francs bou à 350 et ces prix sont observés après la décision du président de la République du Burundi sur la réduction du prix du savon. Festus Chiza, le représentant de l'association, demande à l'État et l'entreprise Savonor de veiller à ce qu'il n'y ait pas des commerçants spéculateurs qui se cachent derrière cette décision du gouvernement. Suivez-le. Nous avons totalement l'inquiétude de voir comment les prix sont cités d'une façon imprévue, puisque avant le cri de noix de palme, ça coûtait à 700, mais actuellement, on arrive à 350, à 320, dépendamment des marchés. Avant le mois de juillet, le prix, c'était à environ 450 à 500 000 par fille de 200 kilos ou 220. Actuellement, ça arrive à 440, même 420 suivant la région aussi, comme se trouve dans le nord de Palmiste. Nous pensons que la chute de ce produit en général, c'est par rapport à la décision de son excellence qu'il a déclaré que les prix de savon sont baissés au moins à 50% pour se protéger contre le virus. Nous pensons que c'est pour cette raison. C'est la science a dit ouvertement que celui qui va fournir du savon va avoir une subvention de 50%. C'est ça notre inquiétude. S'il y a une subvention, qui doit bénéficier? Ou qui vend des sous produits ou c'est le producteur en soi? Puisqu'il y a une confusion. Nous demandons au gouvernement de suivre de près ou de prendre des mesures à ce qu'on ne peut pas avoir des commerçants qui profitent de cette décision du gouvernement pour profiter des producteurs. Le 11 juillet de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de la population. Dans son message, le secrétaire général des Nations Unies en appelle à la préservation des soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu'à la protection des droits des femmes et des filles en ces moments de la pandémie de COVID-19. Le point avec Mireille Kanyang. Cette journée mondiale de la population est célébrée au moment où la pandémie de COVID-19 aggrave les inégalités, les vulnérabilités préexistantes, dit le secrétaire général des Nations Unies, en particulier pour les femmes et les filles. En ces moments de confinement, dans de nombreux pays, poursuit le secrétaire général de l'ONU, le système de santé est mis à rude épreuve et la santé sexuelle et procréative mise au second plan, la violence de genre en augmentation. Se basant sur le rapport de l'Agence onusienne de la population UNFPA, Antonio Guterres souligne qu'avec la poursuite des mesures de confinement d'ici 6 mois, plus de 47 millions de femmes dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire risquent de ne pas accéder à des moyens de contraception moderne, pouvant ainsi entraîner 7 millions de grossesses non désirées avec apparition de 31 millions de nouveaux cas de violence de genre. Selon l'édition 2020 de l'état de la population mondiale récemment publiée par le UNFPA, poursuit ce message, 12 millions de filles seront soumises à un mariage forcé et les mesures de confinement motivées par la pandémie de coronavirus ne feront qu'aggraver la situation. Au Burundi, l'Institut des statistiques et des études économiques ISTEBU a récemment annoncé que la population burundaise augmente de 300 000 chaque année, donc à 2,5%. Nicolas Ndayishimiye, directeur général de cet institut, a précisé que d'ici 2050, la population burundaise sera entre 18 et 22 millions, ce qui peut avoir une incidence sur le développement du pays. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale, pris dans malaise ce mercredi 8 juillet après le Conseil des ministres, Amadou Gon Coulibaly, premier ministre de la Côte d'Ivoire, est décédé le même jour. Un communiqué officiel du gouvernement ivoirien a été diffusé à la télévision nationale le soir même, confirmant ainsi son décès. Sa mort relance la succession d'Alassane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Le président sortant et son cas devront choisir un nouveau représentant à la présidentielle d'octobre prochain. La constitution ivoirienne est limitée à 2. Le nombre de mandats présidentiels, Alassane Ouattara avait annoncé son intention de ne pas briguer un troisième mandat. Fin de cette édition, mais à vous tous qui n'avez pas eu la chance de nous capter dès le début de cette édition, voici le rappel des titres. En ce qui concerne, on vous a parlé d'une femme connue sous le nom d'Ospé Saint-Chimilimana de la colline Muramba, province Karusi, qui a été assassinée dans la nuit de ce vendredi à son domicile. Le chef de colline et la police indiquent que les malfaiteurs n'ont pas encore connu et que les enquêtes sont déjà en cours. On vous a parlé aussi dans la province de Chibitoke où on parle du manque d'eau potable dans presque toutes les collines de la commune Mourgui. Un bidon de 20 litres aujourd'hui est acheté entre 500 et 700 francs bout. Et dans ce journal, on va parler des inquiétudes et des palmiculteurs sur la chute du prix des noix de palme suite à une décision du gouvernement de réduire le prix du savon. Ils estiment qu'ils travaillent à perte et le représentant de la dite association Aprobabou s'est exprimé dans cette édition. Et bien voilà, merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Merci à François Kimana qui m'a aidé à la côté technique. Jean-Marie Mayunga qui vous a présenté cette édition. Je vous souhaite de passer un bon week-end chez vous. Mais juste après ce journal, c'est la revue de presse. revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon votre zone d'écoute. Campagne contre la COVID-19. Des interrogations demeurent. Titre, le journal Iwacu dans l'éditorial de sa parution de ce vendredi 10 juillet. D'emblée, notre confrère rappelle l'engagement du président de la République Evariste Ndayishimiye à combattre résolument la pandémie du coronavirus, le plus grand ennemi du peuple burundais. Engagement pris depuis la prestation de serment des ministres du nouveau gouvernement. À peine une semaine après, une campagne de dépistage systématique a été lancée lundi 6 juillet au niveau national pour une période de 3 mois, écrit toujours l'éditorialiste du journal Iwacu, en rappelant aussi que l'objectif est d'atteindre zéro contamination au coronavirus et que l'opération est lancée sous la formule frappante « que je guérisse, que je ne contamine pas et que je ne sois pas contaminé ». Toutefois, la question qui se pose, c'est qui va passer un test de dépistage? Selon cet hebdomadaire qui estime qu'il est techniquement difficile, voire impossible de prélever toute la population burundaise, expliquant que normalement le test de cette pandémie doit être ordonné par un professionnel de la santé. Si ce n'est pas le cas, donner la priorité aux personnes présentant des symptômes. D'après l'éditorialiste de cet hebdomadaire, une autre information qui paraît vitale sur laquelle les officiels devraient insister, c'est qu'obtenir un résultat négatif ne signifie pas que l'on ne sera pas infecté et développer la maladie à l'avenir. D'où la nécessité de rappeler sans relâche à la population d'observer constamment les mesures de prévention préconisées par le ministère en charge de la santé publique, sans toutefois céder à la peur ni à la panique. Une façon de lutter contre cet ennemi invisible, insaisissable qui rôde et qui semble progresser, conclut notre confrère. Sur ce sujet, l'agence burundaise de presse rapporte l'appel lancé aux journalistes lors d'un atelier média sur le COVID-19. Organisé jeudi à Gitega, centre du pays, par la Croix-Rouge Burundi, en collaboration avec le Réseau national de communication et d'information sur la réduction des risques et des catastrophes, à l'intention des journalistes des médias publics et privés des provinces Gitega, Rutana et Makamba. Ils sont appelés à jouer un rôle actif dans la sensibilisation communautaire à la mise en application des mesures préventives et de lutte contre le coronavirus. La BP rapporte aussi que le chef du département de la communication pour le changement de comportement à la Croix-Rouge Burundi, Philemon Ndayizigiye, a mis en exergue le rôle des médias dans la réponse à la stigmatisation des personnes guéries du coronavirus et dans la lutte contre les rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux au sujet du coronavirus et des mesures de prévention. Revue de la presse. Dans le contexte du COVID-19, l'encadrement des élèves en vacances ne sera pas facile, prévient la voix de l'enseignant. Ce journal rappelle que pendant les grandes vacances de chaque année, les parents des élèves cherchent à les occuper de façon qu'ils changent d'activité. Il y en a qui rejoignent les camps de travail, ceux qui font le sport individuel ou de masse, et ceux qui changent de milieu en quittant la ville de Bujumbura pour aller à l'intérieur du pays chez les grands-parents. Aujourd'hui, les parents s'inquiètent de la pandémie de COVID-19 car les groupes sont déconseillés. Il faut garder une distance d'au moins 1 mètre entre 2 personnes. Non plus le contact entre individus est interdit. Dans tous les cas, il y a risque de contamination, s'alarme notre confrère qui trouve que seule la natation est rassurante car l'eau contient du chlore, un meilleur désinfectant d'après un maître nageur. Malheureusement, en plus des places limitées, c'est cher, regrette notre confrère. L'entretien des infrastructures publiques laisse à désirer, selon Burundi Echo, qui a fait le tour de la capitale économique pour s'enquérir de l'état des infrastructures publiques qui y sont érigées. Un constat, certaines écoles, certains hôpitaux et certains bureaux administratifs sont dans un état alarmant. Notre confrère cite quelques exemples de bâtiments visités et nous retenons parmi ceux-là. L'Université du Burundi est la principale université publique, comptant actuellement plus de 7000 étudiants. Le campus Mutanga est l'un des 8 campus de cette université. Cependant, les locaux de ce campus sont dans un état alarmant. Les locaux qui hébergent les services de la police des mineurs et de la protection des mœurs sont en état de vétusté. Au boulevard du peuple Morundi, à côté de l'Institut national de la sécurité sociale INSS, se trouve un ensemble de bâtiments qui hébergent certains services du ministère de la Justice. Parmi ces locaux, il y en a un à deux étages complètement abandonnés. Notre confrère aboutit à la conclusion qu'au moment où, à l'heure actuelle, le pays regorge de nouvelles infrastructures, notamment le palais présidentiel, les hôpitaux comme celui de Karusi, celui de Mhanda, des écoles fondamentales un peu partout dans le pays, des campus universitaires, etc. Le débat sur la problématique de leur entretien nécessite d'être engagé et les pouvoirs publics devraient prendre des décisions qui s'imposent. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Raïssa Liliane Inamahoro et Francine Deokugayo. À la prochaine. Revue de la presse.